They're ready. Fun Radio vous invite à l'événement Dance Floor de l'année, Star Floor. Le 20 octobre à Paris-Bercy, c'est complet. C'est Star Floor. Gagnez vos places aller-retour en envoyant Star au 6322. 1 euro par message. J-8. En direct dans toute la Belgique sur Fun Radio. Les sons Dance Floor. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. DSK serait fatigué de tout ce qu'on dit de lui et aimerait qu'on lui foute la paix. Ouais, il semblerait que l'ancien directeur du FMI en aurait plein les bourses. France, la polémique suite aux propos de Jean-François Copé qui a parlé de ramadan et de vol de pain au chocolat n'en finit plus de susciter des commentaires. François Fillon a déclaré, de toute façon la politique pour lui c'est cuit, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Football, Axel Witsel est heureux de son prochain match Anderlecht Zenit en Ligue des Champions. Oui, cela me fait plaisir de jouer en Belgique, a-t-il déclaré. Bon, le seul problème pour Axel Witsel, c'est qu'on oublie souvent le poivre dans ce pays. Après avoir vomi sur scène, Lady Gaga n'en finit pas de faire parler d'elle. Souffrant de diarrhée, Lady Gaga s'est mise à chier sur scène. Désormais, elle s'appellera Lady Caca. C'est nul. Et pour terminer, si vous aimez la cuisine italienne et les pénis, ouvrez-vous une boîte de ravioli Bitoni. N'importe quoi. Bah quoi, c'est pas mal. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h, 9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Direction Châtelineau maintenant pour la question existentielle de ce matin. Allez, allez. Voilà. C'est parti. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous me posez comme question ? Bah, en fait, voilà, je me demandais, est-ce que vous pensez que le mur du son est résistant ? Non. Ah, donc je peux pas construire ma maison avec un mur de son ? Non. Mais pourquoi ? Parce que le mur du son, c'est pas un mur, c'est une vitesse. Ah ! Ah, donc on fait pas de maison en mur du son ? Non. Ah, bah, je savais pas. Ah, merci monsieur. Vous touchez vos dents. Quoi ? Bah oui. Dormez bien. Bah merci monsieur. D'accord, bon voilà, tu vois, c'est des cons, hein. Ça n'existe pas, bah un mur, c'est pas un vrai mur. En fait, c'est une vitesse. Mais voilà, c'est ça, tu vois, tu te coucheras moins bête ce soir. Ah oui, mais si on me l'avait expliqué tout de suite. Bah voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux hein, au lieu de me dire d'aller lui lécher le cul comme le mec d'avant. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Nous allons faire un tour du côté maintenant donc de la ligne anti-relou. Les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. On écoute tout simplement le premier message. Oui, bonjour, c'était ton chéri. On s'est rencontré sur Facebook et j'aimerais bien qu'on se voit. Bah l'autre jour, j'ai l'impression que tu m'as posé un lapin. Je t'ai attendu quand même 4 heures, mais enfin bon, j'espère quand même te voir un jour. T'es vraiment très très charmante. Bisous, rappelle-moi. Comment est-ce qu'il peut la trouver charmante s'il l'a jamais vue ? Bah c'est ça, peut-être une photo éventuellement. Ouais, voilà, mais encore, mais normalement tu l'as déjà vue à ce moment-là. Ou webcam, c'est bizarre. Bon, enfin bref. C'est peut-être un mytho, il s'est dit bon, je vais tenter tout pour le tout avec un peu de bol, elle est débile. Je vais y aller. Hein. Ouais. Bah c'est peut-être une blonde, on sait pas. Bah peut-être, on va savoir. Bon, allez, message suivant. Eh bien Carlito, j'ai fait parvenir l'invitation chez ta sœur. Munis-toi d'un GPS quand même, parce que tu vas te retrouver dans les campagnes ardennaises belges. Et j'espère bien vite te revoir. Gros bisous. Rigolade. Quoi ? Mon message ? Oh ! Énorme, sérieux. Oh là là, c'est dur. Oh, c'est très très dur. C'est très très dur. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Bon, Didier est avec nous maintenant pour jouer au Free de Code Game. Bonjour Didier. Bonjour Mickaël. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va plutôt bien hein, Didier. T'appelles de Couillé toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis-moi ? Chauffeur de taxi. Eh ben il en faut, hein. Très bien, bah bon courage Didier. Tu termines ou tu commences là ? Non, le lundi, c'est repos. Ah, c'est repos lundi, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, alors repos. Le week-end, je ramène tous les poivrons chez eux, lundi, repos. Bah, dont Aline. C'est ça. Voilà, hein, voilà. Oui, oui, oui. Voilà, dont Aline, qui effectivement très très souvent est méchée. Enfin bref. Bon, Didier. Audrey aussi, mais bon, elle dit rien. Hein. Mais oui, Audrey aussi, évidemment, c'est t'inquiète ça, pas. C'est pas vrai, mais ouais, c'est ça. Non, Audrey, Audrey, elle prend sa voiture, elle reste là, elle se maquille. Voilà. C'est là où il y a des travaux, enfin bref. Voilà. Une histoire. Bon, Didier, on va jouer au Free Code Game, tu connais le principe ? Oui, oui, oui. Bon, bah écoute, je vais quand même le rappeler pour les nouveaux auditeurs. Le Free Code Game, c'est ça ? Le Free Code Game ! Le Free Code Game, c'est 4 séries de questions avec 5 questions à chaque fois dans chaque série, évidemment. Il y a petit paquet, grand paquet, deux rooms ou mitraillette et ça va des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées. Pareil pour les cadeaux. Petit paquet, c'est par exemple pour gagner des compiles Fun Radio, grand paquet, des places de ciné, deux rooms, un iPod ou mitraillette, une tablette numérique. Didier, que choisis-tu ? Je vais tenter la mitraillette. La mitraillette pour gagner une tablette 3G Wi-Fi. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Même si t'as peu de chances de gagner. Hein. En général, les gens qui se lancent dans cette aventure n'en reviennent jamais vivants. Oui, ils sont beaucoup trop gourmands. Eh oui. Allez, on y va. Première question, Didier. Il faut faire 3 sur 5 minimum. En France, un président reste en fonction combien de temps ? 4 ans. Combien tu m'as dit ? 4 ans. 4 ans. C'est une bonne réponse. Ben non. Comment ça non ? Bah non. Bah si, c'est ce que tu as marqué. Hein. Ah pardon, Ah oui, c'est ça. En plus, c'est 5. Effectivement, c'est quinquennat. Ah. Mauvaise réponse, voilà. En plus, il me met des mauvaises réponses Bravo. Lui-même, du coup, c'est quand. Bien, je te jure. Moi, vous imaginez, je réfléchis pas. Hein, moi, je dis, on me donne joli. Mais effectivement, c'est bien 5. Bon, Didier, mauvaise réponse. Quelle est la capitale de la Turquie ? Ankara. Ankara, mais oui. Bonne réponse. Sur toute l'eau de la Terre, combien de pourcents sont salés ? Alors, ouais. Sur toute l'eau de la Terre, ils disent 85%. 85%. Non, c'était 97. C'était pas loin, cela dit. Enfin, pas loin, plus ou moins, quoi. En quelle année, il faut plus perdre, hein. En quelle année la télévision en couleur a-t-elle été lancée ? Ça va dans quel pays ? Non, en quelle année ? En 1964 en France. Eh oui, mais non. Mais t'es sûr. Mais c'est. Non, c'est en quelle année la télévision couleur a-t-elle été lancée ? Point. D'accord, ok. Pas en France, pas en quelle année, pour la première fois, on a pu regarder la télé en couleur. Voilà, c'était 1938. Bah, écoute, mais c'était. Dans différents pays, à différentes années. Mais crois. Oui, mais la toute première fois où ça a été lancé, où quelqu'un a pu regarder, c'était en 1938. Et effectivement, en France, dans les années 60. Et enfin, quelle est la racine cubique de 8 ? Oui. Bon, c'est une question de merde. Tu dis combien, Didier ? 2. 2, bah oui. Bonne réponse, malheureusement ça ne fait que 2 sur 5. Ah là là là là. Ah ça j'avais dit en général, ceux qui prennent la mitraillette hein, n'en sortent pas vivants, la preuve. Bon, et bah écoute, c'est pas grave. Bon bah tu reviens quand tu veux Didier, d'accord ? Pas de soucis. Allez, super, passe une bonne journée. Salut. À bientôt à Couillet, ciao ciao et profite bien de ta journée de repos. Ciao ciao tout le monde. Mickaël à la radio. Le replay.